En 1866, Alphonse Daudet publia une série de contes sous le titre « Lettres de mon moulin ». Voici les huit que j'ai choisis et enregistrés pour vous.